D. 1. Dieu merci, je sens que je vais réussir. J'ai travaillé dur, c'est rien de le dire. Parce que le début, j'ai des messages à faire passer. La galère, c'est tout un art de vivre. Assis en tailleur le soir, je regarde le ciel, y'a pas ton parfum qui m'enivre. Je me mets ivre quand je suis à fleur de peau. Tu sais que j'aime plus trop le sang mélancolique, te dire que je manque de peau. Mais bon, des fois ça fait du bien de parler à cœur ouvert. J't'envoie la passe, tu veux pécho, je crois que c'est encore ouvert. En ce moment, moi je suis plus trop dans les pailles. Ou plutôt si, mais pas les mêmes qu'en général. Je suis à fond dans la musique, je prépare les clips des sons d'été. Des fois j'en pète, mais mon équipe me dit lâche pas, ça va péter. Je reçois des messages, des supporters, ça donne la force. De Lille à Marseille, de Paris en passant par la Corse. Je m'imaginais dormir sur un yacht, je voulais le monopole. Mais je m'endormais avec un flash dans ton hall. 7h du matin, les portes qui grincent, le premier voisin. Croiser de la pitié dans son regard, devenir zinzin. Avoir 14 piges, livré à soi-même, plus d'école. Transporter sa vie dans un sac sur son épaule. J'en ai vécu des péripéties, je peux pas tout te raconter. J'essaye de faire le bien, je prie, un jour tout sera compté. J'aimerais bien fonder une famille, trouver la femme de ma vie. J'ai passé l'âge de ferrailler, de faire 10 fois le tour de la ville. Squatter les banquettes des civils, les yoles des comicos. Serrer les mains des grosses pointures, mais aussi celles des gros mythos. C'est bon, j'ai donné. La jalousie et l'œil des gens. Un être humain avec un yébi, ça j'ai chant. Et puis merde, tu ne crois sur moi. Je compte sur personne, mais des milliers de personnes comptent sur moi. Dieu merci, je sens que je vais réussir. J'ai travaillé dur, c'est rien de le dire. Je suis en Inde, je tiens à le dire. Ça charbonne d'octobre à mars pour les clips de la playa. Kofi, Yore, ma salle tabac, je suis faya. Villa, piscine, barbecue, tous mes potes là. Whisky, champagne, gros chicha, verre de vodka. D'instinct MC, tu seras jamais plus précis. La vie, la vraie, c'est comme ça que je l'apprécie. Leur stem-ci m'a bien dépouillé depuis que je suis minot. J'ai prouvé ce que j'avais dans le ventre, plus profond que mes abdominaux. Couper des kilos, fermer des zips de sachets. Mais j'avais que ça pour manger. Et ça, il faut que vous le sachiez. On voyait pas d'intimité dans la rue, pas de lit, pas d'oreiller. Que des problèmes pour te réveiller. J'ai déjà passé la famille d'accueil, je m'accroche. Je commence à faire des séries de pompes. Mes 17 ans s'approchent. Il y a des chances que le juge me reproche. Faut pas forcer. Dans quelques mois, je serai privé de liberté au centre renforcé. Là-bas, je lis des bouquins. Le temps passe pas très vite, crois-moi. Dieu merci. Je suis jamais retombé là-bas, j'ai dû faire que 3 mois. Je peux pas gâcher ma vie, j'ai du potentiel. J'ai plein de soucis et des potentiels. Faut être un sacré soldat pour sortir de là. Je suis plus que dans le futur, je suis dans l'au-delà. Je peux pas gâcher ma vie, non, j'ai du potentiel. J'ai plein de soucis et des potentiels. Faut être un sacré soldat pour sortir de là. Je suis plus que dans le futur, je suis dans l'au-delà.